La foule criait vengeresse devant les grilles du palais, où s'était réunie la presse, les reporters de la télé. Ils en voulaient pour leur angoisse qu'ils ne peuvent extérioriser. Et la psychose mise en place avait eu l'impact escompté. Les gens gueulaient à mort, et moi j'avais mal dans le cœur. Les gens gueulaient à mort, et moi j'avais mal dans le cœur. Dans cette atmosphère de haine et de vengeance et de mépris, les fauves lâchés dans l'arène, ils l'auraient réduit en charpie. Ils en voulaient pour leur violence qu'ils ne peuvent extérioriser. Les bien-pensants de la démence ont quelque chose à nous prouver. Les gens gueulaient à mort, et moi j'avais mal dans le cœur. Les gens gueulaient à mort, moi j'avais mal dans le cœur. Et si l'on en croit les sondages, rien ne peut plus nous étonner. Un procès attise la rage de ceux qui vivent opprimés. Ils en voulaient pour leurs fantasmes qu'ils ne peuvent extérioriser. Ils en voulaient pour leur orgasme, rester au stade de projet. Les gens gueulaient à mort, et moi j'avais mal dans le cœur. Les gens gueulaient à mort, et moi j'avais mal dans le cœur. Au nom de quoi la mort d'un homme peut-elle être justifiée? Et même s'il s'agit d'un membre qu'il a lui-même assassiné, n'y a-t-il pas d'autre manière qui sont de fait légalisées? Lorsqu'on massacre par des guerres d'autres innocents par milliers, j'engueulais à mort, et moi j'avais mal dans le cœur. Les gens gueulaient à mort, et moi j'avais mal dans le cœur. La foule criait vengeresse devant les grilles du palais, où s'était réunie la presse, les reporters de la télé.